Elle fait la féministe mais dans le plumard elle m'appelle papa. Certaines choses font pas bon ménage comme dépressif 47 AK. Bouteille de rhum, je fais des bêtises, bêtises et je m'en rappelle pas. Au revoir madame, il faut partir maintenant et je te rappelle pas. Pas ces clodos qui vont m'arrêter, ils font que pénaf comme si c'était un métier. Des grands yeux bleus et un balcon sincère, c'est tout ce qu'il faut pour m'inquiéter. Whisky, j'ai pas besoin de rocks, équipe de salauds, j'ai pas besoin de hops. Faut qu'un Laymas comme MJK, mais j'aurais bien cassé Megan Fox. Elle a cru qu'il se passait un truc, mais je l'appelle seulement quand je suis fuck top. J'ai vu Satan dans un crop top, y'a ta Srabes Quinté qui veut me coq bloc. T'es mon broski, c'est pour de vrai, c'est comme si on était du same blood. Mais ça a déclenché une bagarre, faudra pas me faire le coup du chain ball. J'suis respectueux, veux pas dire j'te respecte. Pas de casquette, pas de foutaise. En ce moment j'envoie tout stress, j'ai un putain de problème comme tout chains. Le train de vie n'est pas trop sain, mon frérot, tout ce que je veux j'obtiens. Tu m'as reconnu dans la ville, c'est bien, mais ça fait pas de nous des copains. La sonore est matelassée, cœur brisé, j'peux plus m'attacher. Elle me dit que les papes, tout c'est pas son truc. Deux semaines plus tard, elle veut pas me lâcher. Frelon Lacha, il m'a dit qu'elle est belle ta vie. Tous les jours la même chose comme Craig David. Alcool poussi me cause des soucis, j'tire plus qu'un coup comme le Uzi. J'suis avec Alba, j'soma Tounsi. Tu n'as pas de travail, ma gueule nous si. Comme ta cousine, ça j'n'ai cool comme si c'était un coulis. Django Broly, pour atteindre sommet, pas besoin de poulie. Doudou, on sait que t'es gentil. Doudou, on sait que t'es gentil. Prends les meufs, tu fais le Qatari, mais en solo tu recomptes tes centimes. Doudou, faut rester tranquille. Doudou, faut rester tranquille. On s'occupe de tous les gabarits, j'la soulève même si elle fait 100 kills. Doudou, on sait que t'es gentil. Doudou, on sait que t'es gentil. Prends les meufs, tu fais le Qatari, mais en solo tu recomptes tes centimes. Doudou, faut rester tranquille. Doudou, faut rester tranquille. On s'occupe de tous les gabarits, j'la soulève même si elle fait 100 kills. Je t'avais nagé avant de savoir ramer, je t'avais baisé avant de savoir marcher, je t'avais gagné avant de savoir parier, je t'avais rappé avant de savoir parler. Pour monter, il a fallu salir, y avait personne dans les années de galère. J'ai jamais tenu la porte à une gadji, car on m'a pas appris à être galant. Entre les fours ou friches, slalom. J'ai caché la marchandise, car y avait une petite odeur d'escalope. Elle sait pas cuisiner le riz, elle m'a dit que sa maman oubliait de la prendre. Mais par contre, pour sucer des bites, hein, là, t'as pas besoin de tuto, salope. Ok, je m'installe de force comme un gitan, mon train de vie peut me faire passer au JT. Des fois sans raison, je suis insultant, c'est un peu comme si un démon m'habitait. Le moteur est fait pour la vitesse, quand j'accélère, je suis collé à la butette. Elle regrette son passé, mais malheureusement, ça s'efface pas au Tipex. Je suis attaquant, je tire pas les 6 mètres. Je suis attaquant, je tire pas les 6 mètres. On n'attend pas le déluge pour 6 mètres, je suis prêt à foutre le feu comme un silex. Rime tranchante comme rasoir gilette. En temps de guerre, pas balai le gilet. Elle sait très bien qu'on va pas dîner, donc avant le date, elle s'est épilée. Je débite sur la prod comme un rinté fructueux, bien structuré. Le public adore quand je fais des sons fous, furieux, non censurés. J'ai peur de la mort quand je vois des Yankees véreux, déambulés. Je fais tout à distance, je peux te mettre 10 000 coups de queue sans t'enculer. Doudou, on sait que t'es gentil. Doudou, on sait que t'es gentil. Prends les meufs, tu fais le Qatari, mais en solo tu recomptes tes centimes. Doudou, faut rester tranquille. Doudou, faut rester tranquille. On s'occupe de tous les gabarits, je la soulève même si elle fait 100 kills. Doudou, on sait que t'es gentil. Doudou, on sait que t'es gentil. Prends les meufs, tu fais le Qatari, mais en solo tu recomptes tes centimes. Doudou, faut rester tranquille. Doudou, faut rester tranquille. On s'occupe de tous les gabarits, je la soulève même si elle fait 100 kills.